Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 15 décembre 2021, nous sommes en direct. C'est Chris, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même. Vous êtes dans votre émission Fréquence Libre, comme tous les jours. Et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont, Alain de Le Crieur à Charmoix-l'Orgueilleux, qui est là pour nous parler de ce qu'est Le Crieur et de tout ce qu'il fait. Donc bonjour Alain. Bonjour Chris. Comment ça va ? Eh ben, très bien. Parfait. Donc nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots ? Eh ben, Godard Alain. Voilà. Donc je suis bénévole à l'association Le Crieur, qui est parallèlement, enfin qui est en même temps une entreprise de spectacle vivant. Voilà, diffusion et production de spectacles vivants. Et donc, ben, aussi membre d'honneur de l'association Le Crieur, parce qu'on est sur une base associative. Et voilà, j'y prends énormément de plaisir avec tout un collectif d'artistes, voilà, pour lesquels on essaye de créer, de promouvoir. D'accord. De toute façon, nous allons développer le sujet pendant toute cette heure d'émission jusqu'à 15h. Et donc, comme nous venons de le dire, tu fais partie du Crieur qui produit et qui diffuse des spectacles vivants. Donc, bien que nous développerons le sujet tout au long de cette heure d'émission, comme je l'ai dit à l'instant, est-ce que tu peux présenter en quelques mots toujours ce qu'est le Crieur en lui-même ? Alors, j'aimerais bien à ce moment-là repartir un petit peu à la base de ce qu'est le Crieur. Donc, le Crieur est né au retour d'un concert avec une partie du collectif d'artistes dans les Ardennes en 2014. D'accord. Voilà, où effectivement un des groupes du collectif, en l'occurrence Moussaka Trio, cherchait un diffuseur. Et dans la voiture, j'ai dit top là. Moi, je veux bien me charger effectivement de la diffusion de ce que vous proposez. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des projets qui se mettaient en place, on en est arrivé à se dire, mais pourquoi pas créer, effectivement, parce qu'on avait tout un panel d'artistes qu'on connaît, qu'on rencontre régulièrement, pourquoi pas créer, effectivement, un collectif. Et au fur et à mesure, ça a débouché sur des licences d'entreprises de spectacle et puis de diffusion, de production. Voilà, donc à la base, ça concernait à peu près 17 artistes pour une quinzaine de spectacles. Là, on s'apercevra, on en parlera peut-être un peu plus tard, qu'effectivement, on s'est recentré un petit peu sur le nombre de spectacles, parce qu'effectivement, ça représentait un travail, certains spectacles tournaient plus que d'autres, etc., etc. Donc là, on est en train de réfléchir, suite au Covid aussi, où là, il y a des réflexions, il y a des projets qui se mettent en place, etc. Voilà. Avec le micro allumé, c'est mieux. Donc, forcément, oui, avec le Covid, c'est sûr que vu que c'est quelque chose de culturel, donc c'est pas forcément évident avec toutes les restrictions, etc. Donc, on est aussi là pour mettre, à Radio Guémozo, pour mettre en lumière Le Crieur, pour donner un petit coup de pouce. Voilà. Et donc, du coup, tu fais partie des fondateurs de Le Crieur. On peut dire ça comme ça, oui. Ok. Mm-hmm. Et donc, c'était en retour d'un concert, comme tu viens de le dire, avec le Moussaka Trio. Moussaka Trio. Moussaka Trio, mm-hmm. Que nous écouterons un petit peu plus tard mm-hmm. dans cette émission. Mais du coup, pourquoi ce nom, Le Crieur ? Alors, ça, c'est suite à... comment ? C'est né d'un brainstorming, comme on dit. Oui. Voilà, donc, tempête de cerveau en français, je crois, il me semble. Quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est ça, oui. Et donc, où, effectivement, les membres qui sont maintenant les membres du bureau et puis quelques autres, on s'est creusé un peu la cervelle et puis en fin de compte on s'est dit que le Crieur, à la base le Crieur aussi c'était pour colporter des informations, pour créer des événements, pour voilà, c'était suite à ça, c'est-à-dire que nous on souhaitait colporter du beau, du spectacle, de la musique, voilà, du lien social, enfin bon. Mettre en avant les différents... Voilà. Ok. Donc, comme tu l'as dit, Le Crieur, c'est une association, donc j'imagine, loi de 1901. Absolument. Voilà. Et donc, comme nous l'avons dit, chez Le Crieur, vous produisez et diffusez des spectacles vivants, mais est-ce que c'est dans tous les domaines, ou est-ce qu'avec Le Crieur, tu fais, on va dire, une sélection dans les styles, les genres, les arts ? Alors, on reste basé sur le collectif de nos connaissances à la base. D'accord. C'est-à-dire d'artistes, un collectif d'artistes qui propose de différents types de spectacles. Ça va du concert au bal trad, comme on appelle, hein, musique néo-trad, du spectacle druge, spectacle de marionnettes, du conte. Voilà. Donc, il y avait une foultitude de spectacles, mais toujours, ça, c'était quelque chose qui nous ressemble, toujours accompagné de musiciens. Voilà. D'accord, justement, j'ai quelques questions là-dessus un peu plus tard dans cette émission. Et donc, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, notamment grâce au site internet de l'association, j'ai eu l'occasion de lire que, je cite, « Le crieur, c'est une signature, la garantie d'un spectacle réussi avec des artistes passionnés au service de l'imagination, de l'audace, de l'authenticité et de l'énergie à revendre. » Fin de citation. Donc, est-ce que tu peux développer un petit peu cette phrase, ce petit paragraphe ? Bah, c'est-à-dire que on n'est pas le seul collectif où bien sûr voilà on a eu la chance nous de réunir à travers les artistes de réunir des compétences multiples, des envies multiples, des créateurs multiples, et ce qui fait qu'effectivement on pouvait très bien comparer le crieur à une malle que l'on ouvre, et là on va piocher du spectacle adapté pour la famille, adapté pour des danseurs, adapté pour des mélomanes, adapté pour de la rue, des choses comme ça. Donc c'est effectivement notre marque de fabrique, d'autant plus qu'on est en mesure de s'adapter à différents lieux, et on est toujours à réfléchir comment proposer du beau. Eh ben, du beau, bien sûr, parce que ce sont tous des artistes, enfin des professionnels, des intermittents du spectacle. Mm-hmm. Donc c'est leur métier, c'est leur passion, c'est leur passion. Et ça, c'est il peut pas y avoir de spectacle, à mon avis, sans passion. D'accord. Et donc justement, donc c'est des artistes, etc. Donc, est-ce que tu es toi-même à titre personnel artiste ou pas du tout ? Non, je suis pas artiste. Je suis amateur, musicien amateur. D'accord. Mais j'ai toujours eu plaisir à être bénévole dans toute forme d'événement, c'est-à-dire aussi bien de la régie, son, lumière, avec des professionnels, de les accompagner, de travailler avec eux, d'échanger, effectivement aller voir des spectacles, aller voir des concerts. Donc j'ai toujours baigné un petit peu dans l'événementiel. D'accord, mais sans en faire forcément ton métier. Non, absolument pas. Je ne suis pas assez courageux pour ça. Non, mais je n'ai pas la créativité, les compétences pour ça. D'accord. Et donc justement, dans cette phrase, quand vous dites chez le crieur, spectacle réussi, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un spectacle est justement réussi ? Est-ce que c'est grâce aux artistes, aux spectateurs, ou est-ce que, en quelque sorte, c'est un travail d'équipe entre les artistes et les spectateurs ? Il y a toujours une réflexion dans à travers la création, ce que moi je perçois avec les artistes du crieur, il y a toujours cette envie de créer du lien. Mm-hmm. Voilà, c'est la base du spectacle vivant. Il faut qu'il y ait une interaction entre le public et l'artiste. Donc c'est toujours le fil rouge à travers la création. Et donc quand on dit spectacle réussi, c'est pas forcément une phrase de moi, c'est qu'effectivement il y a toujours cette volonté de générer du plaisir et une interaction et du lien. Du lien, bien sûr, parce que j'aime bien dire, quand j'en reçois différents artistes, que du coup, un artiste, soit les spectateurs, il est rien, les spectateurs, soit les artistes, ils sont rien non plus. Absolument. Voilà, c'est un travail. Absolument. C'est vraiment. C'est un travail d'équipe. Voilà. Et donc, comme tu l'as dit, les côtés spectacle chez le crieur, c'est des productions, que c'est un savant mélange entre du coup art du spectacle et musique. Donc, est-ce que cela veut dire que dans chacun des spectacles du crieur, il y a de la musique ? Alors, par rapport à notre ancien catalogue, oui, tous les spectacles étaient accompagnés de toute manière de musique, de musiciens. Hein, voilà. Mm-hmm. Et on est reparti un petit peu suite au confinement. Il y a eu forcément des choses qui... Il y a eu de la création, parce qu'il fallait bien quand même faire quelque chose de ce vide. Bien sûr. de ce vide culturel. Et donc, les artistes, après des moments de pas, jamais de résignation, hein, mais des moments de peut-être de fatigue, de lassitude, se sont dit, on a du vide, on a du temps, on a des choses, autant y mettre quelque chose. Donc il y a eu de la création et il y a un spectacle, notamment un spectacle de clown qui s'appelle Ouhou, qui est tout nouveau, qui n'est pas encore sur le site. D'accord. Là, par contre, lui, il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de musique. Voilà, okay. C'est la particularité de ce spectacle. D'accord. Mais donc, justement, en tant que membre de l'association Le Crieur, qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qu'apporte la musique au spectacle ? Ah, c'est une vaste question. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Simplement, effectivement, ça amène forcément un plus. Ça amène un rythme au spectacle, mm-hmm. et c'est un rythme qui est c'est du live. Bien sûr. Voilà. C'est pas une vidéo, c'est pas une bande son, c'est du live. Donc il y a un travail qui est assez énorme quand même, notamment par exemple un spectacle de marionnettes qui s'appelle Balémain, hein, donc ça du théâtre de doigts, parce que les marionnettes sont des doigts en musique. Les musiciens sont doivent être en accord avec le manipulateur, le marionnettiste. Donc c'est vraiment un travail de ils doivent se sentir, il y a le courant, il y a le truc qui passe. Et ça, c'est comment je pourrais dire, c'est un spectacle dans le spectacle. Mmh, je vois, oui. Et donc, du coup, pendant les répétitions, est-ce que l'artiste et les musiciens répètent ensemble ou pas ? Ah bah absolument, ça c'est essentiel. Pour c'est être essentiel. Pour être... Après, il peut y avoir une partie de travail pour le manipulateur, il va par rapport à ses doigts, par rapport à ses petites figurines. Voilà, et puis les musiciens de leur côté qui s'entraînent régulièrement quand même sur leurs instruments, mais effectivement les répétitions se font ensemble. Bien sûr, pour être en coordination. Voilà, absolument, c'est indispensable. La meilleure coordination possible. Donc, dans quelques secondes, il sera 14h13. Donc, avant d'approfondir encore plus le sujet, je te propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que tu as choisie et que nous écoutons justement le Moussaka Trio avec le morceau intitulé L'Orgueilleuse. Donc, on écoute ce morceau et tu nous en parles juste après. Bien. Voilà. Donc, on écoute Moussaka Trio et leur titre L'Orgueilleuse et on se retrouve juste après. Donc, à tout de suite sur Radio Yamoso. Thank you. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h17 et 39 secondes. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France. Vous venez d'écouter le Moussaka Trio avec le titre L'Orgueilleuse et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Alain de Le Crieur qui est là pour nous parler de cette association et de tout ce qui se passe à l'intérieur de cette association. Ça va toujours ? Très bien, parfaitement. Parfait. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce morceau, L'Orgueilleuse ? Alors, le morceau L'Orgueilleuse, enfin L'Orgueilleuse, parce que je pense, je crois, je ne me suis jamais trop posé la question, notre siège social se situe à Charmoy-l'Orgueilleux. Voilà, et donc c'était un clin d'œil à cette petite commune, voilà, qu'on apprécie énormément, et puis pour lequel on a avec qui on a travaillé, donc avec les autres associations de cette commune pour des événements divers et variés. Voilà, donc une petite valse qui leur est dédiée. D'accord. Et donc, justement, bon, on va reprendre le cours de cette émission. Avant cette pause musicale, nous parlions de la musique qui accompagne les différents spectacles. Mais est-ce que ça arrive, ou est-ce que c'est tout le temps le cas, que les musiciens donc, qui jouent de la musique en live créent un morceau spécialement pour un spectacle en question ? Les musiciens, oui. Écoute, par exemple, si c'est un spectacle, on avait un spectacle qui s'appelait Trois coups de cuillère à peau, où c'était une conteuse. D'accord. Donc, les musiciens créaient autour des textes, différents textes. Par exemple, pour le spectacle de théâtre de doigts, les musiciens créent aussi au niveau du scénario. Donc effectivement, c'est comme une musique de film, quoi, je crois. La musique est là pour faire, pour intensifier peut-être les images ou les choses comme ça. C'est un peu la même chose, j'ai envie de dire. Oui, donc on en revient du coup à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, un travail d'équipe. Un travail d'équipe, absolument. Voilà. Et donc, nous parlions du coup avant cette pause musicale également que chez Le Crieur vous faites un savant mélange entre art du spectacle et musique. Et en parlant d'art du spectacle, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, nous pouvons retrouver l'univers visuel de la marionnette, des masques, du conte et du théâtre. Donc pourquoi avoir pris la décision de vous orienter vers ces domaines-là chez Le Crieur ? C'est pas une orientation, c'était déjà quelque chose, des expériences, des spectacles qui existaient. D'accord. On a créé l'association en 2014, en août 2014, il me semble. Notre premier concert spectacle, c'était le 1er mars 2015, voilà, où on avait nos licences d'entreprise de spectacle. On pouvait effectivement salarier des artistes, les artistes du collectif, en priorité. On peut aussi, on pourra peut-être dire tout à l'heure qu'on est en mesure de salarier d'autres artistes, hein, qui ne font pas spécialement partie du collectif. Voilà, des spectacles étaient déjà existants. Et finalement, ils se sont perfectionnés dans le temps, mais on n'a pas choisi une orientation. On a pris déjà les créations existantes, les compétences existantes. On a pris ce qui déjà tournait. C'était des jazz, des spectacles qui avaient quelques années de pratique. D'accord. Ok, donc c'est pas des créations made in Le Crieur, c'est vraiment des choses que Le Crieur a récupérées, entre autres. Oui. Ok. Et donc, pour donner une précision supplémentaire, la musique présente dans les spectacles, c'est de la musique vivante. Absolument. Oui. Qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que vous entendez chez Le Crieur par musique vivante ? Dès l'instant où c'est en direct, comme le spectacle vivant, hein, il s'agit d'être en lien direct entre les spectateurs et les artistes. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de vidéo, c'est pas des bandes son, c'est du live. Voilà, en gros, c'est ça, musique vivante, c'est du live, la musique là prend la musique qui accompagne. Elle a vraiment son rôle dans le sens où elle est en interaction totale avec le spectacle proprement dit, avec que ce soit du théâtre ou de la marionnette ou voilà, c'est un lien direct, c'est vivant, c'est pas figé, on tape pas dans les tac tac tac et hop on démarre. Il y a un démarrage bien sûr, mais après c'est le C'est l'osmose qui va se mettre en place. Et puis, en général, ça se passe toujours très bien. D'accord. Et je crois également savoir que les artistes, donc du coup, se produisent grâce à différents moyens, selon différents moyens et dans différents lieux, dont certains sont plutôt, ma foi, assez atypiques. Et quels sont ces différents lieux, ces différents moyens ? Alors, bon, par exemple, pour Moussa Catrio, ils peuvent aussi bien se produire dans une petite salle, comme sur de la scène, voire internationale. D'accord. Voilà, donc c'est déjà là, des fois c'est le grand écart, mais toujours avec leur faculté de s'adapter à n'importe quel lieu, que ce soit en extérieur, en intérieur. Voilà, après il y a des spectacles qui sont plus spécifiques, comme on a un spectacle de rue qui s'appelle Les Sœurs Cornues, qui là est un spectacle, comme son nom l'indique, un spectacle de rue, mais que l'on a pu mettre en place dans des salles en période hivernale, et finalement ça marche aussi. Voilà, donc c'est pour ça que je parle, moi, de la volonté et de la possibilité et de la volonté pour les artistes du crieur de s'adapter. S'adapter. Il n'y a pas de raison de dire, ben oui, ben bon, c'est parce qu'on préfère une grande scène avec de la lumière plein pot, mais ils sont capables de jouer dans une petite salle polyvalente avec simplement des néons. D'accord. Voilà. Ok. Que j'ai également vu, du coup, en déambulation de rue, en roulotte, sous chapiteau ou sur les planches, comme tu l'as dit, des scènes locales ou nationales. Mmh. Voilà, donc même en roulotte, c'est un spectacle ambulant, en fait. Spectacle ambulant, oui, c'est-à-dire que tout est possible. Voilà. D'accord. On ne s'interdit rien. Bon, okay. On ne va pas partir du principe en disant, ben voilà, nous, on a une jauge de temps, avec il nous faut une scène de temps, etc., etc. Après, il faut un espace vital pour pouvoir quand même se produire. Bien sûr. Mais voilà, on est attentif à toujours pouvoir s'adapter et à pouvoir répondre à la demande des organisateurs, sachant qu'effectivement, il y a des organisateurs qui ont plus ou moins de moyens, hein, que ce soit de lieux d'accueil et financiers aussi. Bien sûr. Et donc, voilà, on est toujours très attentif à pouvoir répondre à la demande des organisateurs. Donc, à chercher à s'adapter en permanence. Mmh. Et donc, est-ce que les organisateurs vous laissent parfois à carte blanche ? Ça arrive, par exemple... c'est-à-dire que, déjà, ils nous font confiance à la base. Oui, bien sûr. Après, bon, certains, quand même, ont eu des retours d'autres organisateurs. C'est ce qui fait le bouche à oreille aussi. Tout à fait. Ce qui marche très bien. Forcément, j'ai envie de dire quand même qu'on a carte blanche, parce que des organisateurs qui nous proposent de nous produire n'ont pas toujours une vision très très claire de ce que ça peut être, comment ça va se passer. Ils ont une vague idée, s'ils vont sur le site internet, ils ont des petits teasers, ils peuvent avoir. Mais après, par rapport au public, mm-hmm. Il y a tout un jeu qui se met en place, il y a des choses qui se mettent en place, et là, j'ai envie de dire que nous, on a carte blanche, et que les organisateurs, ils savent pas toujours comment ça va se passer. Mais ça se passe toujours très bien. Bien sûr, je n'en doute pas. Et donc, sur le site interneur, donc, du coup, de Le Crieur, donc, https://le-crieur.org/, j'ai vu une phrase, presque un slogan, que je trouve plutôt intéressante et qui m'a un petit peu intrigué. On retrouve, du coup, cette image de la valise dont tu parlais un peu plus tôt. La phrase dit, je cite, « Ouvrir la valise du crieur, c'est goûter à la magie détonnante, au burlesque émouvant, ou à la poésie déroutante. » Fin de citation. Donc, qu'est-ce que vous entendez chez Le Crieur par cette phrase, par ce slogan ? Ce slogan, par exemple, la poésie déroutante. Mm-hmm. Il y a toujours énormément. On a deux ou trois poètes quand même dans le collectif, dont un. Voilà, que je vais nommer, qui s'appelle Alex, qui est marionnettiste, manipulateur, et qui a des textes qui sont magnifiques et qui sont, je ne vais pas dire, peu courants. Voilà, ils sont un peu déroutants, ils amènent aussi à la réflexion, ils nous renvoient à des souvenirs que nous-mêmes nous avions. Voilà, donc avec toujours l'envie de surprendre. Quand on dit, alors le burlesque, ça reste le burlesque, mais il faut toujours, je sais pas, moi, attraper le spectateur. Il faut le l'interpeller, il faut l'égratigner, il faut l'amener aussi à soi, il faut lui renvoyer des choses. C'est ça, c'est en ça que nos spectacles proposent ça, proposent la possibilité d'être interpellé. D'accord, donc c'est, j'imagine du coup que c'est important du coup d'interpeller le spectateur pour qu'il soit à fond dans le truc. Voilà. À mon sens, il faut qu'il reparte avec quelque chose en plus. D'accord. Voilà. Ou un rappel, ou un souvenir, ou des choses, ou une envie, ou une odeur, une magie, quelque chose. Mais il faut qu'il reparte avec quelque chose en plus. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, le lien. Créer du lien. Il s'est passé quelque chose, je repars avec quelque chose en plus. D'accord. Marquer le spectateur, du coup. Ok. Et donc, comme nous le disons depuis le début de cette émission, du coup, le Crieur s'occupe de spectacles, mais aussi de musique. Et de ce côté-là, il rassemble des groupes de bals et de concerts, de la musique bretonne à la bossa nova brésilienne. Ce sont d'ailleurs deux styles quand même assez opposés, que ce soit dans la musique ou même géographiquement. En avion, ces deux endroits sont éloignés de 1 jour, 4 heures de distance. Il faut traverser l'Atlantique. Donc, pourquoi proposer des musiques aussi différentes, aussi variées? Pourquoi avoir eu envie de... Pourquoi être éclectique? Ce qui se passe, c'est que c'est, par exemple, le morceau qu'on a écouté de tout à l'heure, L'Orgueilleuse de Moussa Catrio, mm-hmm. c'est un savant mélange des expériences des trois musiciens, en l'occurrence, là. Hein, donc, de Nico, Flavien et Vincent. Nico, par exemple, a bourlingué en Europe de l'Est. Voilà, il parle le roumain. Il a trimballé son saxo, sa clarinette partout. Il s'est imprégné de beaucoup de choses, de beaucoup de cultures. Et ça se sent dans les morceaux, même des morceaux traditionnels, hein, parce que là, ce qu'on a entendu, c'était quand même de la musique traditionnelle, j'ai envie de dire néo-traditionnelle, parce que la musique traditionnelle, elle est toujours en évolution. Et là, dans ce morceau-là, même dans L'Orgueilleuse, on sent un côté jazzy aussi, un côté Europe de l'Est, il y a un savant mélange. Donc, ça ne pose pas de problème aux artistes, aux musiciens du Crieur d'insérer, d'inclure des tessitures qui viennent d'ailleurs de ce qu'on pourrait penser. Effectivement, s'ils font un morceau, une bourrée, on va dire c'est plus Centre-France. Mais à la limite, pourquoi pas, ils mettent quelque chose d'un peu jazzy, d'un peu manouche, pourquoi pas. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de barrière. C'est, voilà. Après, ça passe, ça marche. Des fois, ils reviennent un peu sur ce qu'ils faisaient, mais ils retravaillent dessus, et puis voilà. D'accord. Et donc, justement, est-ce que cet éclectisme, il est aussi là pour, on va dire, pour attirer le plus de monde possible issu de différents pays, différentes ethnies? Non, c'est pas une volonté. Je pense pas que ce soit une volonté d'attirer un public éclectique. C'est simplement, c'est toujours dans le sens d'interpeller. Toujours dans le sens de, ben voilà, comme tu poses la question, peut-être que tu te dis, ben oui, effectivement, il y a un grand écart entre deux styles de musique, ben finalement, elles peuvent se rassembler, ces musiques, et puis donner quelque chose qui laisse des traces, qui laisse quelque chose, qui va rester un rythme dans la tête, ou une mélodie, ou quelque chose. Voilà, c'est toujours le... Oui, voilà, toujours. J'ai que ce mot-là, c'est interpeller, créer du lien, créer quelque chose. D'accord. Donc il est 14h31. Avant de poursuivre cette émission, je te propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale et que nous écoutions cette fois-ci le Mammouth Jazz Quartet avec leur mix intitulé Shay Mix 1. J'espère que je le prononce bien. Donc, du coup, on écoute ce mix et on se retrouve juste après. On en parle juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo d'ici un peu plus de 10 minutes. Thank you. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h37. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers car je sais qu'on nous écoute en Belgique, en Suisse, en Allemagne et puis même au Québec grâce justement à notre application Orange Radio. Et vous venez d'écouter le Mammouth Jazz Quartet avec leur mix intitulé Shy Mix 1. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Alain de Le Crieur qui est là pour nous parler de l'association Le Crieur et de tout ce qui se passe là-bas. Est-ce que tu passes un bon moment dans notre compagnie, Alain? Alors super, ouais. Parfait. Donc même question que pour la première pause musicale. Est-ce que tu peux nous parler de ce mix, de ce groupe, de ce morceau en fait, ou pas? Alors du morceau, tout simplement en disant qu'effectivement c'est une composition hein, des quatre compères de Mammouth Jazz Quartet qui s'est créé. Alors ça, c'était pour la petite histoire, c'était pour la fête de la musique en 2020, donc avec en pleine période Covid et de confinement, mm-hmm. où la mairie d'Épinal, par le biais de Philippe Urbain, avait quand même décidé de maintenir une manifestation hein, pour lutter un petit peu contre la morosité ambiante. Et donc avait proposé à des musiciens de se produire sur une remorque tirée par un tracteur et aller dans les quartiers périphériques de la ville d'Épinal. Pas simplement rester statique au centre-ville, mais justement proposer de la musique dans les quartiers La Vierge, Pitola, etc., La Zup. Et le démarrage de cette déambulation en tracteur d'accord, a débuté devant un supermarché, je sais pas, j'aime pas trop faire de pub pour les supermarchés, mais bon, c'était le casino, mais qui anciennement s'appelait Mammouth. Mm-hmm. C'était Mammouth, voilà, c'était un supermarché. Et voilà, l'idée est venue de prendre ce nom-là et de voilà, donc ça pour la création du nom. Voilà, c'est sinon dans ces morceaux-là, alors il n'y a pas encore d'album hein, parce que c'est encore en mixage. Là, vous venez d'écouter un mix, c'est pour ça que ça s'appelle Mix 1. Donc ce sont toutes des compositions des quatre musiciens et qui se connaissaient quand même plus ou moins mais sans avoir travaillé ensemble. Et cette fête de la musique a permis cette rencontre et de là une envie pour eux de jouer ensemble parce qu'ils ont tous des compétences formidables. Je connais le batteur Rodolphe Français, le contrebassiste Guillaume France, Nicolas Combe, le saxophoniste clarinettiste qui joue aussi dans Moussaka Trio. C'est pour ça qu'on est capable de faire du jazz et de faire aussi de la musique traditionnelle, et sans oublier Dino Zanchetta qui fait partie du collectif un petit peu avant. Donc voilà, c'est une rencontre qui a voilà, ils ont trouvé quelque chose, ils se sont trouvés. Ils ont trouvé un point commun, donc à partir de là, ils ont commencé à créer et à travailler. Il y a eu beaucoup de travail pour au final sortir bientôt pour une sortie bientôt d'album. Quoi. D'accord. Justement, Dino Zanchetta qui a réagi à ma publication annonce de ce matin de l'émission d'aujourd'hui. Il a laissé un petit j'aime sur un célèbre réseau social. Voilà. Oui. par contre, j'ai pas eu de commentaires, donc n'hésitez pas à répondre, n'hésitez pas à poser des questions à mon invité, comme ça je lui transmets et puis ça fait un petit échange, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc on va poursuivre cette émission. Donc les artistes que vous accueillez et que vous recevez chez Le Crieur, est-ce que ce sont des artistes issus, enfin que vous promouvez, je pense, hein, je crois. Donc vous assurez la promotion. Est-ce que ce sont tous des artistes issus de la scène locale ou est-ce que il y en a aussi de la scène internationale? Alors autant que je me souvienne, je pense que c'est de la scène locale. Voilà, quand je dis local, bon, on va rester dans le Grand Est, donc on a des artistes qui viennent d'Alsace, de Haute-Marne, certains viennent d'un peu plus loin, mais c'est C'est pour des concerts occasionnels, voilà. Mais pour les spectacles vraiment sur lesquels on va se recentrer. D'ailleurs, le site internet va être retravaillé, notre catalogue aussi. Donc, on va se recentrer, comme je l'ai dit au début de l'émission, sur 6-7 spectacles. Mais on gardera toujours sous le coude nos anciens spectacles pour lesquels on est amené des fois à appeler des artistes qui viennent de Lyon, de région parisienne. Voilà. Donc, mais c'est essentiellement la scène locale. D'accord. Et donc, vu que tu fais partie des fondateurs de Le Crieur, est-ce que tu dirais que Le Crieur a été créé par des passionnés et pour des passionnés ? Forcément, je sais pas comment dire. C'est quoi être passionné? Si c'est envie de partir dans un projet, de partir dans une aventure avec des gens qu'on aime, si c'est être passionné, bah oui, c'est forcément des gens passionnés. D'accord. Et donc, est-ce que donc, du coup, j'avais perdu ma trame. Est-ce que chez Le Crieur, il y a du coup des artistes, des musiciens, etc., issus justement de Le Crieur, ou est-ce que l'organisme ne se charge vraiment que de la production et de la diffusion? Il y a des musiciens qui ont participé à l'élaboration de la structure, enfin de la base associative dans un premier temps, et de l'entreprise, enfin de la création de l'entreprise avec la demande de nos licences d'entreprise de spectacle. Donc il y a une base, mais rien n'est figé au Crieur, c'est pas contractuel. C'est-à-dire que les artistes, le collectif, comme on les appelle, parce que c'est vraiment un noyau, ne sont pas amenés qu'à être produits que par le Crieur. Hein. Ils peuvent travailler avec d'autres compagnies. Rien n'est contractuel. C'est contractuel dans le sens où on est amené à salarier des artistes, donc sur la base de contrats, ça c'est clair. Mais les artistes peuvent aller travailler avec qui ils veulent, comme ils veulent, et on peut être amené aussi à embaucher des artistes qui ne font pas forcément partie du collectif, mais que l'on connaît ou qui ont besoin effectivement de, à un moment donné, d'être salarié, quoi. Voilà. Donc d'accord. Et donc tu l'as dit en début d'émission, Le Crieur existe depuis quelques années déjà, 2014. Oui, la structure associative, oui, depuis 2014, et l'entreprise, enfin, on a obtenu nos licences début 2015. D'accord, donc on va dire 2014-2015. Donc, en tant que membre presque fondateur de Le Crieur, quel est ton meilleur souvenir ou quels sont tes meilleurs souvenirs? Est-ce qu'il y a un événement, quelque chose qui se détache plus que d'autres choses? Les premières réunions. Les discussions à bâton rompu, enfin quand le projet prenait forme, c'était ça, c'est bah déjà c'est le brainstorming, hein, le nom du Crieur, enfin toutes ces choses là. Il y avait une telle énergie, il y a toujours de l'énergie, mais un peu moins en ce moment. On a accusé le coup, hein, du Covid, ça c'est clair. Bien c'est sûr, clair, j'imagine. C'est clair, ça a vraiment laissé des traces. Mais voilà, moi ce souvenir, c'est l'énergie, cette belle énergie, cette envie. Et puis oui, parce que c'était une aventure, parce qu'on se lançait dans un truc, et puis mais on savait que on avait peur de rien, et allons-y, quoi. Cette belle énergie. Et puis d'autres souvenirs aussi qui sont des moments à travers quand on peut proposer nous un stand ou dans des festivals où on propose nos spectacles là on se retrouve ensemble pendant 3-4 jours à faire la fête aussi, hein, parce que voilà, et c'est comme si on était une famille. Et encore une troisième chose, c'est quand on crée nous-mêmes nos propres événements. On a pu faire deux festivals qui s'appellent le premier Stéphane de Lévelan en 2017 à Charmont-l'Orgueilleux, avec Chapiteau de Cirque. C'était quand même sur une base un petit peu d'itinérance. Mm-hmm. Et là où on travaille pendant 6 mois, on a l'impression de vivre ensemble, quoi. D'accord. Voilà, c'est de la réunion, c'est de trouver des solutions, faire tout le travail inhérent à un mini festival. Mais c'est voilà, on a l'impression de vivre ensemble et de comment comment je pourrais dire, alors échanger, mais plus fort qu'échanger, de communier. D'accord. C'est presque mystique, mais il y a un peu de ça. Ok, donc ça va. Du coup, les liens qui unissent chaque membre de l'écrieur, c'est plus qu'une simple amitié, c'est vraiment une famille, un côté familial. Oui, oui, il y a un côté. On est soudés, quoi. Il y a quelque chose de fort. Bien sûr, j'imagine. Et donc, est-ce que l'objectif, à plus ou moins long terme de Le Crieur, c'est de jouer, enfin de promouvoir des spectacles qui seront ensuite joués sur des grandes scènes comme par exemple l'Olympia ou alors un grand théâtre de Broadway? Ben, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on appelle une grande scène? Il y a des grandes scènes, par exemple, il n'y a pas obligé d'aller très loin. Il y a des scènes de bal traditionnel, donc par exemple en Belgique, où ça a de la grande scène. Il y a Château d'Ars, les rencontres internationales des luthiers et maîtres sonneurs, festival qui s'appelle Le Son Continu, où là c'est aussi des grosses scènes avec. Et là, il y a des pointures en tant qu'écoutant, en tant que musicien. Donc ça, c'est de la grosse scène aussi. Oui, pas besoin de traverser forcément l'Atlantique pour être sur de la grosse scène. Il y a de la grosse scène. Bon, je sais qu'il y a aussi... Moussaka est allé jouer en Italie, sur des belles scènes aussi, en Angleterre. Voilà, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc, ils sont capables de faire un écart entre de la petite salle polyvalente. Enfin, quand je dis petite salle polyvalente, c'est pas péjoratif. Hein. Bien sûr. Mais de la petite structure à la plus grosse structure, quoi. Avec du son, avec de la lumière, avec des... Lors de grands voilà, événements. Voilà. Des gros événements avec, effectivement, des pointures. Et ben pareil pour le festival de Chalon en Champagne, hein, où là c'est le festival international du spectacle de rue, hein, c'est Chalon dans la rue, où là on y va, mais avec nos spectacles, par exemple de marionnettes ou de slam rural ou des choses comme ça, où c'est là on y va dans le in du de dans le off du off, pardon, lapsus, le in tellement on voudrait y être, le off du off, et même dans le off du off il faut y trouver sa place, parce que c'est quand même des énormes pointures, quoi. C'est ce qui se fait de plus haut en spectacle de rue. Bien sûr. Donc il est 14h50, donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de poursuivre encore un petit peu, de conclure, je te propose de nous lancer directement dans une troisième et dernière fréquence musicale et que nous écoutions à nouveau le Moussaka Trio avec leur morceau Pompadoli. Voilà, donc on écoute ce titre, on se retrouve juste après pour la suite et déjà la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo, après le Moussaka Trio et leur titre Pompadoli. La Pompadoli. La Pompadoli, che d'accord. La Pompadoli, che d'accord. Qui compte est simple et des délicieux. Qui compte est simple et des délicieux. Yeah. Andresi Lautut, Savi ja Laire Dropsek. Kaldrillo aggiusta un cinque flu di range. Ama solo pasto e bollo in su un'insalatie. Bra e strupat in su un tocco. I daisa. In su un canto di Laustan. Cauti senture dai re. Alcati tres uros, forma un galletto, a me la volo, rosso, y fate tal squadra como la mano aperta, a me a un pichel de la mofina, y puta al furto se susbelia, que rosso me paz. Alcati tres uros. Se mangio fresh, a me di confitura, o dulce, quando è meglio de pre. Pompadoli du Moussaka Trio sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio ou encore sur notre site internet. Il va être 14h55 et du coup nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Alain de l'association Le Crieur qui est là pour nous parler de l'association et de tout ce qui se passe là-bas. Tout est toujours bon ? Tout est toujours bon. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes fréquences musicales, tu es habitué désormais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce titre, s'il y a des choses à dire ? Alors, j'ai juste un trou de mémoire. Donc, ça raconte l'histoire d'une recette de la Pompadoli. Et j'ai un trou de mémoire par rapport à la langue. C'est une langue occitane, il me semble. Voilà, donc c'est un ancien, une connaissance d'un des artistes qui raconte un petit peu la recette de ce plat. J'ai une lacune, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Voilà, et donc et puis de la mettre en musique et puis mais ça se danse. Donc voilà, c'est une musique à danser aussi. Voilà, une musique à danser pour un plat à manger. Exact. Voilà. Donc comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé mais qui mériterait absolument d'être abordé, ou est-ce qu'on a tout dit ou presque ? D'aborder, effectivement, je pense que là, on est reparti encore sur un pass sanitaire qui va, je pense, traîner un petit peu. Voilà, c'est pas qu'on n'est pas soutenu, mais je pense que ceux qui peuvent vraiment nous soutenir, ce sont les spectateurs, les écoutants. Bien sûr. Voilà, on a besoin de tout le monde pour pouvoir continuer à produire, pour trouver surtout, pour continuer et trouver de l'énergie. Voilà, c'est ce qui manque un petit peu en ce moment, l'énergie. On a besoin de retrouver un deuxième souffle. Bien sûr, donc si cette émission et si Radio Gemozo peut aider pour amener ce second souffle, écoute, ça serait mission réussie pour nous. Si nous voulons suivre l'actualité de Le Crieur, comment pouvons-nous faire ? Alors donc, on a un site internet qui va être restructuré avant la fin de l'année, j'espère. Donc, où là, il y a une quelques teasers, des vidéos, des textes, des informations. Voilà, donc ça va être remanié. Il va être un petit peu en maintenance dans les semaines qui suivent. Et puis Facebook. Voilà. Donc là où logiquement on est censé annoncer un petit peu tout ce qui se passe dans notre programmation. Mm-hmm. Je mettrai de toute façon le lien du site internet et le lien de la page Facebook en podcast de cette émission demain dans la journée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et qu'est-ce qu'on peut souhaiter, bah, je pense déjà connaître la réponse, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux crieurs pour la suite? Eh bien, que l'on continue ce que l'on sait faire. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte? Eh ben, merci Chris de ton invitation. Voilà, effectivement, je pense qu'on a besoin de vous aussi. Et puis les associations ont besoin des autres associations. Je pense qu'on est un monde où on a envie que les choses bougent et aillent vers le beau, le mieux. Et surtout, ce qu'on dit, nous, souvent, enfin, moi, ce que je dis, ce que j'aime bien me brailler, c'est qu'on est vivant. Eh oui, c'est un joli message de fin. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de te remercier, Alain, d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook demain dans la journée. Si tu veux, je pourrais te l'envoyer par mail. Volontiers. Si tu veux la récupérer, la partager, etc. Comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guimauzo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique avec le générique. Il me semble, je n'ai pas encore le titre sur mon écran, mais normalement ça va être Nina Simone, me semble-t-il. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, jeudi, à 14h, toujours en direct. Voilà, c'est mon jeu de titre, donc ça sera Nina Simone avec son titre Love Me or Leave Me. Voilà, juste après. Donc on se retrouve du coup, nous, demain, jeudi, à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone Marc Evea, chanteur, qui sera là pour nous parler de son nouvel album, sorti le vendredi 12 novembre dernier, album intitulé Insolite Solo. Et il nous parlera aussi de sa carrière et de tout ce qu'il fait. Cette émission sera réalisée comme une fois toutes les trois semaines, toujours dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Guimauzo et l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith. Voilà. Donc merci de votre fidélité à Radio Guimauzo et du coup je vous dis à demain. Donc salut et à demain.